Pourquoi on parle de rupture plutôt que d'histoire qui dure? Je veux entendre plus de battements de cœur à l'état pur. Pourquoi j'entends les mêmes scandales, les mêmes faits divers? Arrêtez vos guerres, déliez vos ailes et votez la paix. Pourquoi j'entends les mêmes discours, les mêmes médisants? Les médias nous descendent, soyez intéressants. Pourquoi ils brisent les cervelles sans arrêt à la télé? Ennuyé, je suis devant votre journal, allez danser le ukulélé. Tous unis, vous êtes d'accord pour faire péter le score du Nord. Je vote pour plus de dialogue entre peuple et forces de l'ordre. Dans ce tourbillon, je vais y mettre un grain de soleil. Je veux maquiller l'état d'esprit terni en arc-en-ciel. Soyez attentifs, la violence n'apporte rien, la paix gagne du terrain. Si chacun de nous fait un geste simple pour son prochain, déclare un monde, l'histoire se répète. Où est son bienfaiteur? Cher terrien, je vote pour une sagesse mondiale. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Entre le croissant, la croix et l'étoile, je demande plus de dialogue. Je veux voir plus de tolérance entre vous tous qui êtes des hommes. Je demande plus d'entraide quand les égoïsmes m'assomment. Union solidaire, on peut le faire avec une moyenne somme. Les loisirs partageons, la passion partageons. Un sourire c'est gratuit, ça ne te coûte pas un rond. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de colère? Tu vis pour être heureux, sois fort dans tes galères. Pourquoi tant de racisme? Pourquoi des Le Pen? Trump veut nous tromper pour mieux nous diviser. Pourquoi tout n'est pas accessible, voire beaucoup trop cher? Je vote pour une organisation solidaire, un simple geste. Une partie de jeu, un spectacle offert, un service modeste. Sortons de nos tanières, je veux un échange céleste. Le truc qui ne serait pas monnayable pour des bénéfices. Le genre de truc qui rassemblerait les gens dans le bénéfice. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Soyez tolérants, la haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut briser ses chaînes. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Pour une sagesse mondiale, je vote. Je vote. Pour une sagesse mondiale. Pour une sagesse mondiale. Pour une sagesse mondiale, je vote.